passe encore une fois. Vous êtes encore avec Skype. Ah. Alors attends, parce que c'est sûr. J'utilise Skype sur mon téléphone portable. Je vais regarder ça. Attends. Mike, est-ce que tu ne peux pas régler tes soucis? Thank you.